Chapitre 24e, Oblast de Kemerovo, cessez-le-feu, 13 septembre. Tokaristan, siège de la présidence de Youssouf Imadedinov. Lorsqu'il se présenta devant les journalistes, le takchir, le sire, était en grand habit de général d'armée. On l'avait vu pour la première fois arborer une longue barbe hirsute à la mode salafiste. Son discours, posé et rassurant, évitait de présenter l'intervention militaire hors de ses frontières comme un djihad, une guerre de conquête ou même comme une marche vers l'indépendance. Voyant les représentants de la presse, attentifs à ses inflexions de voix, il se contenta de déclarer avec grande sobriété « Depuis plusieurs mois, les troupes russes stationnées sur le territoire du Tokaristan septentrional, c'est ainsi qu'il qualifiait l'oblast vaincu, entravaient notre marche vers la liberté. Que le nom d'Allah soit loué. Nous avons sécurisé l'ensemble du territoire qu'il nous a accordé dans sa grande miséricorde. Nous ne voulons pas la guerre à la Grande Russie. Mais les musulmans tokaristanais ne peuvent vivre plus longtemps suivant la loi que les kafirasli, les infidèles slaves, leur imposent depuis trop de siècles. Comme nous sommes pacifiques et croyants, nous allons chercher le chemin de l'émancipation en demandant à Moscou de reconnaître nos droits. La victoire d'hier, 12 septembre, est le triomphe des fils de l'islam. Je vous appelle tous, allez à la prière du vendredi pour remercier Allah de ses bienfaits. Vive le Tokaristan, Allahu Akbar. » Il s'épongea le front après cet exercice de très haute diplomatie. Il n'ignorait pas l'importance de soigner la communication. Ce message adressé à la ville et au monde était particulièrement destiné aux Russes. Imadedinov voulait leur dire « Regardez, j'ai la victoire modeste, entendons-nous, sauvez au moins la face alors qu'il en est encore temps. » Kremlin, siège de la présidence de Vladimir Popov. Le président Popov suivit le discours à la télévision. L'écran était installé dans son bureau. Seul se trouvait à ses côtés Dimitri Anatolievitch Kozakov, son vieil ami et premier ministre. Depuis 4 ans, ce duo redoutable dirigeait la Russie sans qu'on ait jamais pu glisser l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre eux. Opposés et complémentaires, ils avaient des modes de réflexion totalement divergents. Kozlov disait de leur fonctionnement « Il est basé sur une paranoïa constructive. » L'un et l'autre analysaient les situations en envisageant les scénarios les plus défavorables et la manière de s'en sortir. Quand, par des voies différentes, chacun détectait un risque, ce danger s'avérait dans 99% des cas fondé. De même, lorsqu'au terme de la réflexion individuelle, ils aboutissaient à une solution semblable, celle-ci s'avérait tout aussi statistiquement la meilleure que l'on puisse trouver. À la fin de l'allocution d'Imadedinov, le président Popov éteignit le récepteur. Il adressa un coup de menton de bas en haut à son premier ministre en lui demandant « Et alors, qu'en penses-tu ? » Kozakov se gratta l'oreille et répondit sur un ton mesuré. « Son avantage est trompeur. Nous ne sommes qu'au tiers de notre offensive contre les islamistes. Après avoir amené par notre opération piège à ours Imadedinov à attaquer l'oblast de Kemerovo pour ne pas qu'il s'en prenne à l'Altaï, il nous reste à l'assassiner. » Puis envahir sa capitale, Arsikouchi, si l'on s'en tient au plan de guerre en 3 phases conçu par le commandant Verkhoutorov, n'est-ce pas ? Popov acquiesça, son compère poursuivit. À son insu, le président Imadedinov est notre convive. Il vient de manger la soupe qu'on lui a servie. Certes, il en a consommé un peu plus que prévu. Il n'a pas encore goûté le plat de résistance et le dessert concocté pour lui. En somme, il vient de remporter une bataille à laquelle nous l'avons invité. Et il croit avoir gagné la guerre. Rira bien qui rira le dernier. Popov esquissa un sourire approbateur. Pour faire part de son analyse, il préféra, à la métaphore culinaire de Kozakov, une image tirée du registre sportif le sambo. Pour le lecteur qui l'ignore, le samozhashchija bezourigia, ou sambo, est un sport de combat créé en URSS dans les années 1930. Cet art martial est un mélange subtil de judo et d'aïkido, avec un zeste de karaté, une pincée de boxe et une bonne dose de lutte traditionnelle russe, le samoz. Proche des techniques du combat libre, le sambo autorise l'usage des percussions pieds-poings à la manière du muay thai. Dans une compétition de sambo, dit Popov, ce tocard viendrait de commettre une erreur tactique en dévoilant sa technique. Face à un adversaire qui vient de nous distribuer une volée de coups de poing, il faut que nous nous servions de nos pieds. La victoire dépend de la solidité de ses appuis. Si ses jambes commencent à chanceler il perdra l'équilibre et ne pourra pas nous échapper. Ses crochets et percutes ne lui sont plus alors d'aucune utilité. » L'allusion Sambo ne surprit pas Kozakov. Il savait que Popov, amateur de sport, aimait associer la politique à ce domaine. Il enchaîna. Il s'attend à ce que nous répliquions. Il croit nous avoir suffisamment ébranlés pour que, dans le coin du ring, tu jettes la serviette pour arrêter le combat. Je pense qu'il est surpris par sa supériorité sur le terrain. Nous aurions tort de nous laisser abuser par le côté grand seigneur qu'il vient d'afficher à la face du monde. Tout pouvoir dépend de l'équilibre et du soutien de sa base. Ce qui fait tenir debout les djihadistes, c'est l'argent des Arabes qui les aide et les renforts qu'ils leur envoient. Mais c'est surtout la tactique, la connaissance du terrain de leurs officiers supérieurs et de leurs chefs. Cette dernière remarque intéressa particulièrement Popov. Il reprit l'idée pour la creuser. Le plan des Volkodlak est de frapper les jambes du boxeur pour qu'il chancelle. Neutralisons les cadres d'Imadedinov. Il sera fragilisé. Nous pourrons alors le faire tomber. Aucun pouvoir ne tient debout sans chef. Tout l'édifice s'écroulera. Kozakov, parfaitement d'accord avec le président, se permit de formuler un avis. C'est lui, la clé de voûte. Imadedinov nous a montré, derrière les mots choisis, sa détermination. Pour moi, cette posture est exagérée. Elle cherche à masquer les faiblesses d'un pot de terre en lutte contre un pot de fer tombé de l'étagère par accident. Popov partageait cette impression. C'est pourquoi il ajouta « Dans tout type de corps, y compris politique, il y a un centre de gravité. Si nous portons atteinte à ce point d'équilibre, l'ensemble s'affaissera. Depuis hier, le monde entier a conscience que tout passe par Imadedinov. Il est celui autour duquel tournent les terroristes de l'Islami Arakati Mukawama, les veuves noires d'Yazorova et les troupes d'élite de la division Hanchar dirigée par le colonel bosniaque Smalj Suljevic. Kremlin, quartier général des Volkodlak. À quelques pas du bureau présidentiel, dans la superbe tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène, étaient réunis le vice-premier ministre Koslov et 8 de ses 12 Volkodlak impliqués dans le plan de guerre, l'ethnologue Olga Gourina, le commandant des Oboro Andrei Berkotourov, l'expert en communication Léonid Kikov, le tacticien Pierre Cernin, le lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov, agent de renseignement, auquel s'était joint la lieutenant-colonel de police Marina Pavlova, l'historiographe Mikhail Lyapunov, le chambellan Jafar Akamov, négociateur plénipotentiaire du président Popov. Alexandre Koslov. Avant d'aborder la phase 2 de notre plan, la frappe de décapitation visant à tuer Imadedinov, je voudrais avoir vos premières impressions sur l'attaque menée hier par ces islamistes dans l'oblast de Kemerovo. Léonid Kikov. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous attendions la brise et nous avons eu la bise ou plutôt la claque. Mikhail Lyapunov. Oui, nous avons semé le vent. Nous avons récolté la tempête. Marina Pavlova. Si la grande sauvagerie de l'attaque d'Imadedinov est le reflet de la crainte que nous lui avons infligée, en laissant astucieusement fuiter le contenu des grandes manœuvres prévues du 17 au 24 septembre, je dois dire que nous avons réussi notre coup bien au-delà de nos espérances. Notre ennemi panique. Pierre Cernin. N'oublions pas que la démonstration de force que nous avions mise en place visait à réveiller la taupe qu'Imadedinov avait placé près du général Rostopchin, le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air russe. Ivan Kuznetsov. Il s'agissait surtout de neutraliser l'espionne en s'en servant, c'est-à-dire de faire d'une pierre deux coups. Nous voulions qu'elle intoxique Imadedinov, afin qu'il attaque l'oblast de Kemerovo plutôt que l'Altaï pour y fonder une république islamique. Olga Gourina. Même si nous déplorons davantage de pertes matérielles et humaines que prévues, nous avons bien réussi la phase 1 de notre plan. Attirer Imadedinov dans l'oblast de Kemerovo. Alexandre Koslov. Il nous faut analyser les raisons de notre partielle déroute. Pour ce travail, j'ai proposé au commandant Berkotourov de rencontrer au plus vite le gouverneur Georgi Vassilievitch Zamok, à défaut de pouvoir questionner le colonel Cyril Trofimov qui est mort au combat. Paix à son âme. Andrei Berkotourov. Je tente de le localiser. D'après mes contacts, il serait à Kemerovo. Je ne peux pas le rencontrer dans une ville assiégée. J'attends qu'il en parte. Ensuite, quel que soit le lieu où il se trouvera, j'irai le questionner. Alexandre Koslov. Merci, commandant. J'imagine que vous désirez que nous passions maintenant à la phase 2 de votre plan. L'assassinat d'Imadedinov. Il opine de la tête pour dire oui. Kikov mentionna alors. il faut continuer à ternir l'image d'Imadedinov et de ses lieutenants. Quand son décès interviendra, il sera perçu comme une bénédiction, un soulagement de voir disparaître un être sanguinaire. Jafar Akhamov, informé des potrominés par le président que c'était à lui que revenait la tâche d'assassiner Imadedinov, dit « Je vais prendre contact au plus vite avec Imadedinov. Son offre de cesser le feu est parvenue ce matin avant 6 heures sur le bureau du président Popov. » Au courant de l'ordre donné par Popov au chambellan, Koslov ajouta « Jafar a consigne de négocier réellement jusqu'au 23 septembre. Dans la soirée, le Void, le grand guide, doit être liquidé en douceur si ces conditions ne nous conviennent pas. Marina Pavlova a tout préparé dans les moindres détails. » Akhamov se montra calme et déterminé. Il forçait l'admiration des Volkodlaks présents. Chacun avait conscience que dans les 10 jours suivants, son rôle allait être décisif. Il mettait sa vie en jeu. Marina Pavlova entra dans une explication. « Nous avons choisi d'assassiner Imadedinov par poison, dans la plus pure tradition soviétique. N'oublions pas que toute cette guerre doit démontrer au monde entier que « Russia is back », la Russie est de retour. » Andrei Verkhotourov ajouta « Nous devons frapper le monde de stupeur par notre audace plus encore que par le modernisme et la force brutale de notre armée. » Le guébiste, l'ex-agent du KGB, Ivan Kuznetsov, demanda « Poison. Quel poison as-tu trouvé ?» Marina Pavlova rétorqua au lieutenant-colonel « Désolé, mais il ne sort pas de la pharmacie officielle du KGB. Ce produit a été conçu par un de vos anciens chimistes, le colonel Mavrikin, pour les laboratoires Kosiatsio-Gelesnovo. Il répondait à une commande privée de la mafia d'Olgoprudenskaya. » Kuznetsov interrompit Marina. « Je connais, » coupa-t-il. « Lors de la bataille pour le racket dans le sud de la région centrale ou pour le contrôle des toits au Krisha, ces incontournables protecteurs mafieux qu'il faut soudoyer pour survivre dans le monde des affaires, nos malfrats russes avaient fort à faire avec des mafiosi tchétchènes, géorgiens, ukrainiens, arméniens, juifs ashkénazes. Je me souviens que les morts naturelles du géorgien Jabba Makadze, Jabba le bûcheron, et de l'ukrainien Yuri Tchernokleb, bain noir, nous surprirent tous. » Marina Pavlova reprit la parole. « J'ai enquêté sur le décès de ces deux capis, chefs de bande rivale, comme disent les Italiens. Cela sentait le zagaznoye, le contrat. À l'autopsie, tout semblait normal, sauf qu'ils étaient morts tous les deux en moins de 48 heures du même œdème pulmonaire foudroyant. Une telle fin peut être naturelle. Quand elle se produit chez deux individus, solides comme des rocs, en pleine lutte des factions, cela interroge. Nous avons cherché et finit par mettre la main sur le chimiste et son poison miracle. » Kuznetsov eut un sourire de soulagement. Il apprenait, après bien des années, les raisons officieuses de la mort de deux mafieux qui avaient donné bien des soucis aux agents du service chargé de l'affaire. Il s'exclama. « Avoir réussi à liquider deux hommes aussi dangereux et aussi protégés que ces deux types relève du miracle. Quel est le nom de ce miracle ?» Marina Pavlova prononça le mot magique « Diefenbachia ». Les 7 Volkodlaks crurent entendre « Sésame, ouvre-toi ». Le chambellan Jafar Akhamov, négociateur plénipotentiaire du président Popov, chargé d'exécuter le leader islamiste du Tokaristan, s'écria « Ça marchera sur Imadedinov ?» Avec la même assurance qui abattrait des montagnes, Marina Pavlova dit calmement « Si on suit le mode d'inoculation employé par le mafieux Ivankov pour liquider son rival ukrainien, cela fonctionnera. Les risques d'échec tiennent au montage de l'opération qui exige de la rigueur et à son exécution qui impose un redoutable timing. » Le visage épanoui de Akhamov se ferma brusquement. Il prenait conscience de la difficulté de la tâche. Le chétif et pas très grand Pierre Sernine enchaîna. « Une fois la tête du serpent décapitée, il nous faudra liquider également tout son état-major, les 10 chefs de section et leurs 23 collaborateurs. Ses proches, d'Imadedinov, sont des rouages essentiels. Ils contrôlent la machine étatique et font tourner le pays. » Andrei Verkhotourov précisa « Je mettrai mes oboros sur cette opération. Nous serons épaulés par quelques agents extérieurs. » Koslov prit alors la parole. « Commandant, pouvez-vous indiquer à vos compagnons les motifs de ce jumelage ?» Verkhotourov, le concepteur du plan d'éradication en cours, se plia à la sollicitation du vice-premier ministre. Israël désire mettre la main sur le Palestinien et le Syrien qui dirigent des sections de la Légion islamique d'Imadedinov depuis des années. nous laisserons le Mossad s'occuper d'eux. Peu nous importe ce qu'ils en feront du moment que ces deux indésirables disparaissent. » Kozlov, voulant que l'information soit complète, posa une autre question. « Qu'obtenons-nous en échange ?» Andrei Verkhoturov laissa Pierre Sernine répondre. « Les Américains ont accepté, à la demande des Juifs, que l'éradication d'Islomi Arakati Mukawama soit couverte par le Patriot Act. Du coup, les lobbyistes habituels des pétromonarques du Golfe, qui résident à New York, ne seront pas autorisés à s'adresser à la presse. » Kikov souligna alors « Notre objectif est d'apparaître, non, comme la figure de proue d'un conflit de civilisation à relent colonial, ce qu'insinuera Imadedinov, mais comme les pourfendeurs du terrorisme. Si en échange d'un Palestinien et d'un Syrien, le Patriot Act nous garantit l'image de justicier, c'est bien, je suis preneur. » L'heure étant venue de se séparer, Kozlov ne put se départir d'une ultime remarque. « N'oubliez pas, cette guerre est une guerre moderne, c'est-à-dire une guerre d'image et d'opinion publique mondiale. À défaut de la gagner, celle-là non plus, nous ne devons pas la perdre. »